Bonjour. Nous sommes le 21 septembre 2023 et je vais vous lire un texte un peu en urgence. Il s'agit du texte et du cri de désespoir de Sandra Daoudi, la femme de Kamel Daoudi, le plus vieil assigné à résidence de France. Elle a entamé une grève de la faim et de la soif le 18 septembre 2023. Et quand je mettrai cette lecture en ligne, elle en sera à son cinquième jour de grève de la soif, donc dans une situation de danger au niveau de la santé. Voici donc la lecture du texte qu'elle a écrit. Pour expliquer son choix, et il a été publié sur le blog de Kamel. Il l'a publié lui-même, donc en l'intitulant « Non-épuisement des recours vs contre épuisement de ma femme ». Mon mari a été condamné définitivement en décembre 2005 pour des soupçons d'appartenance à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ce dossier repose essentiellement sur des aveux extorqués sous la torture. Mon mari a toujours nié les faits qu'on lui a reprochés. Il a exécuté intégralement sa peine. Là, on voit une photo de dos de trois enfants de tailles différentes avec la petite mention « Mes enfants patientant dans la salle des pas perdus du tribunal de grande instance de Paris pendant l'audience de relèvement en IDTF de mon mari le 22 juin 2022. À cette peine a été adjointe une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, IDTF. Cette IDTF est inapplicable car en cas d'expulsion vers son pays de naissance, l'Algérie, il serait exposé à des traitements dégradants et inhumains. L'expulsion étant impossible, le ministère de l'Intérieur a décidé de l'assigner à résidence en attendant son éloignement vers un autre pays. Ce 14 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, a refusé de se prononcer sur le fond de son dossier en rejetant sa requête pour des motifs de procédure. Cela signifie que la Cour européenne laisse à l'État français toute latitude pour continuer à assigner mon mari sans limite dans le temps et sans se soucier des retombées sur l'ensemble de notre famille. Le gouvernement concourt à le placer dans une situation inextricable en lui interdisant toute vie privée et familiale. Je dois pour ma part pallier à toutes les injonctions du ministère sans jamais me rebeller ni contester leur bien fondé. Comme la réhabilitation de Kamel est rendue impossible par les autorités administratives malgré ses attaches solides et profondes en France où il vit depuis l'âge de 5 ans, par voie de conséquence, celle-ci me prive, moi et mes enfants, de notre droit à la vie privée et familiale. Aucun pays n'acceptant son accueil, avec la réputation que l'État français a dressée de lui, l'administration s'acharne à nous pousser vers une impasse. Son retour forcé en Algérie. Ce harcèlement continu, sur 15 ans, est épuisant pour toute la famille. Le ministère de l'Intérieur interdit à mon mari de travailler. Mes enfants ne peuvent que constater l'incapacité de leur père à participer normalement à leur éducation et à leur épanouissement, d'autant plus qu'il a été éloigné à plus de 2 heures de route du foyer familial. Mes enfants doivent constamment s'adapter aux nouvelles contraintes liées à l'assignation de leur père. En 15 ans, ils ont dû arpenter les routes de France pour se rendre vers 7 lieux différents, situés dans des départements aussi éloignés que la Creuse, la Haute-Marne, le Tarn, la Charente-Maritime, ou le Cantal. Gérer le quotidien de 2 adultes, une adolescente et 3 jeunes enfants, dans une chambre d'à peine 10 mètres carrés, relève d'une organisation extrêmement rigoureuse pour tenter de créer un climat sécurisant et apaisant, malgré les circonstances. Chaque déplacement implique de fait un isolement social. Cette situation d'enfermement à l'air libre crée une atmosphère anxiogène chez de jeunes enfants encore plus intense que pour l'incarcération d'un parent. En effet, un parent incarcéré peut susciter un espoir auprès de l'enfant qui sait que celui-ci sortira un jour. Tandis que dans le cas de l'assignation à résidence, l'enfant partage cet enfermement et n'a aucun espoir que la situation ne s'améliore. Je ne peux pas dire à mes enfants que le dénouement sera nécessairement politique. Il suffit de côtoyer Kamel Daoudi pour être suspecté de terrorisme. En plein état d'urgence, alors qu'un quart de CRS stationnait chaque nuit pendant plus de 2 mois de 19h à 7h devant mon domicile, les plaques d'immatriculation d'amis qui me rendaient visite étaient systématiquement relevées devant eux afin qu'ils comprennent que cette maison était hautement surveillée. Beaucoup de connaissances se sont malheureusement pliées à cette intimidation. Avec la répétition de situations humiliantes, toute atteinte à notre intégrité et à notre réputation contribue à alimenter le supplice dit de la goutte d'eau. Après la chute de plusieurs milliers de gouttes, une simple petite goutte a le même effet que l'effondrement d'un immeuble sur votre front. Je m'efforce d'être debout, malgré la rudesse de la tâche, pour faire face à toutes les personnes méprisantes qui me perçoivent comme une personne peu respectable et peu fréquentable. Ce qui est désarmant dans ce retournement permanent de stigmates, c'est que les institutions censées protéger les citoyens me laissent livrer à mon sort. En 2017, quand un couple de voisins policiers fabulateurs a décidé de tout entreprendre pour me nuire en provoquant l'intervention abusive de la section de déminage de Toulouse, les autorités concernées, dont l'IGPN, n'ont pas cherché à circonscrire leurs méfaits. Il a fallu d'autres incidents et des mensonges répétés très grossiers de la part de ces agents de police pour que les autorités judiciaires décident enfin de neutraliser ce couple en classant leur plainte extravagante sans suite. En revanche, ma plainte pour harcèlement et diffamation déposée antérieurement contre ces mêmes voisins n'a toujours pas abouti à ce jour. Ce prétendu non-événement, pour reprendre l'expression du commandant de police à l'époque, a eu pour conséquence mon arrêt de travail pour anxiété post-traumatique pendant près de 1 an. Il faut s'imaginer le quotidien de mes enfants pendant cette période, alors que je peinais à réaliser de simples tâches ménagères. Combien de femmes se seraient résignées à se séparer de leur conjoint devant toutes ces difficultés? Combien d'enfants humiliés se seraient laissés déborder par une colère légitime? Le ministère de l'Intérieur refuse d'acter que nous ne sommes plus le 23 avril 2008, date du premier arrêté d'assignation à résidence de Kamel. Il s'emploie à toujours mettre en avant la sécurité publique sans considérer l'évolution de la situation familiale depuis 15 ans. Pourtant, l'assignation à résidence a des répercussions palpables sur mon quotidien. En 2009, mon époux a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir quitté le périmètre de son assignation afin de m'accompagner à la clinique alors que j'étais enceinte de 7 mois. En 2020, il a été condamné à 1 an ferme en première instance pour 25 minutes de retard à son couvre-feu tandis qu'il cuisinait dans un lieu associatif. À chaque fois, j'ai dû supporter les conséquences de ces tragédies qui résulte des conditions particulièrement sévères de son assignation à résidence. La moindre infraction peut ainsi être punie d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison ferme. Qui pourrait se prévaloir en 15 ans d'assignation de ne jamais avoir le moindre retard pour les 2, 3 ou 4 pointages quotidiens imposés au commissariat? Je ne comprends plus l'énergie déployée par le ministère de l'Intérieur pour broyer toute une famille au mépris des droits individuels les plus fondamentaux. Deux murs restent infranchissables. Décoller l'étiquette de Kamel considéré comme un homme dangereux alors qu'il n'a commis aucune infraction depuis la fin de l'exécution de sa peine en 2008. Et déconstruire des décisions de justice administrative fondées essentiellement sur des notes blanches pour obtenir sa réhabilitation en relevant par exemple son interdiction définitive de territoire. Ne pas tenir compte de l'évolution de la situation de Kamel en l'espace de plus de 15 ans n'est pas digne d'un État prétendant respecter les libertés individuelles fondamentales. Le ministère a-t-il seulement conscience qu'il ne s'agit plus simplement de la destinée de Kamel ? J'ai des droits, en tant que femme. Je ne suis pas uniquement l'épouse de Kamel. J'aspire à être considérée comme un individu à part entière. Il me semble aussi que chaque fois que la situation d'un enfant est en cause, l'intérêt supérieur de celui-ci doit primer. Il s'agit d'un principe essentiel. Marteler sans aucun élément sérieux que Kamel continue d'être dangereux alors qu'il se comporte de manière exemplaire dans des conditions déshumanisantes ne peut suffire à sacrifier la vie de nos enfants en les privant de l'amour et de la présence de leur père. Être considérée comme une pauvre femme, assignée à rester dans l'ombre de son conjoint, spectatrice de la souffrance de mes enfants, ne peut suffire à me réduire au silence. Mes droits et ceux de mes enfants, tous ressortissants français, sont inaliénables. Durant toutes ces années, notre famille a beaucoup trop souffert d'un ostracisme décomplexé, d'une violence institutionnelle assumée et d'un isolement qui n'est plus supportable. Ce qui est inhumain, ce n'est pas seulement de laisser Kamel dans cette situation sans fin, mais de me mépriser en tant que femme et de laisser grandir mes enfants en leur faisant croire que leur quotidien relève de la normalité. Sandra Aurillac, le 18 septembre 2023. Voilà, c'était le texte de Sandra. Depuis le 18 septembre, Kamel donne quotidiennement de ses nouvelles, sur Twitter en priorité, avec des enregistrements de Sandra, qui chaque jour sont un peu plus courts et beaucoup plus faible. Il y a du monde autour, mais pas suffisamment. Il y a du bruit autour, mais pas suffisamment. La LDH en particulier soutient Kamel depuis longtemps. Son avocat aussi, Maître Daoud, et d'autres personnes. Il y a un hashtag qui circule insuffisamment, qui est « Faites du bruit pour Sandra ». Et il y a des articles ainsi que des interviews de Sandra ou de Kamel. En particulier, il y a une interview de Sandra qui raconte les conditions de vie de la famille qui a été faite il y a 2 ans sur Radio Canu et qui est repassée hier soir sur l'émission Mayday. Je mettrai les liens de ces articles, de ces vidéos et de cette émission radio dans la description de cette lecture audio, ainsi qu'évidemment le lien vers le blog de Kamel Daoudi. J'espère que cette grève de la faim et de la soif se terminera rapidement pour de bonnes raisons. Une grève de la soif, ça n'est pas rien. À partir du 4e jour, le corps est en danger et la mort peut subvenir à tout moment en fonction des capacités du cœur et des reins. Et Kamel signalait ce matin, donc nous sommes le 21 septembre, 4 jours plus tard, qu'enfin un commissaire était passé les voir pour constater l'état de Sandra et pour vérifier si elle était suivie par un médecin. D'après ce que disait Kamel, aucun médecin n'avait accepté de suivre Sandra, et pour leur conseiller d'appeler le 15 en cas de problème. Voilà, donc dans tous les cas, la préfecture du Cantal, la préfecture de Paris et le ministère de l'Intérieur sont au courant et pourraient sûrement faire le nécessaire pour que au moins la vie de famille soit possible et que les enfants et la femme de Kamel n'aient pas à subir de telles conditions de vie. Et la moindre chose aussi serait d'acter que Kamel a purgé sa peine, a une conduite exemplaire et qu'il n'y a aucune raison de lui imposer 3 ou 4, je ne sais plus, pointage par jour, quel que soit le temps, sous la pluie, sous la neige, sous la canicule. Kamel Daoudi doit se déplacer 3 ou 4 fois par jour pour aller pointer à la gendarmerie la plus proche de son domicile. Donc il ne peut évidemment pas travailler. Voilà. C'est une situation complètement ubuesque, dégradante. Et de manière assez évidente, qui confirme un racisme institutionnel à son encontre. Pour compléter cette lettre de Sandra, voici un article paru ce jour même aussi, le 21 septembre 2023, sur Libération. C'est un article de Lisa Douard qui a été rencontrée, la famille de Kamel et Sandra, à Aurillac. Avec la famille de Kamel Daoudi, assignée à résidence depuis 15 ans, a-t-on le droit de retrouver une vie normale? Afin de dénoncer les conditions d'assignation à résidence pour une durée indéterminée de son mari, Sandra a entamé une grève de la faim et de la soif lundi 18 septembre. Un acte de résistance, dit-elle, pour être entendue en tant que personne à part entière. L'article est accompagné d'une photo de Kamel de face et sa femme de dos dans l'appartement d'Aurillac, dans l'appartement de Kamel, prise le 19 septembre 2023. Sandra se tortille sur le canapé pour trouver une position à peu près confortable, celle qui ne sollicitera pas trop son dos, lui fera oublier ses crampes d'estomac. Son compagnon se tient à ses côtés, dans cette pièce à vivre sommairement meublée. S'il vient à être de nouveau transféré, toutes ses affaires doivent rentrer dans le coffre d'un fourgon, précise la quadragénaire au visage émacié. Kamel Daoudi et elle se sont rencontrés dans la Creuse en 2008. Ils venaient d'achever 6 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. On lui reproche d'avoir été impliqué dans un projet d'attentat contre l'ambassade des États-Unis à Paris, ce qu'il a toujours nié. Déchu de sa nationalité française, l'homme de 49 ans est sous le coup d'une interdiction du territoire français, une ITF. Oui, DTF. Mais non expulsable, vers l'Algérie, qu'il a quitté à l'âge de 5 ans, où la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, reconnaît qu'il risque des traitements dégradants et inhumains. En attendant, une solution qui semble ne jamais se présenter, le père de famille est assigné à résidence pour une durée indéterminée. Depuis 15 ans, il est ballotté de ville en village, à des centaines de kilomètres de son foyer. Une vie au carrefour du bureau de Jarry et du procès de Kafka, écrit-il dans sa biographie Twitter, renommée X, réseau sur lequel il poste chaque jour des nouvelles de sa femme. Sandra a commencé une grève de la faim et de la soif lundi 18 septembre à partir de 10h. Quelques jours plus tôt, la CEDH a jugé irrecevable la demande de Kamel Daoudi de mettre fin à son assignation. Motif : les voies de recours internes à la France n'ont pas encore été épuisées. Il faudra réessayer dans 5 ans. La forme est contestée, mais les arguments de fond, qui dénoncent le traitement dégradant, les arrestations arbitraires et l'impossibilité d'avoir une vie privée et familiale, n'ont pas été étudiées, tente de positiver leur avocat, maître Emmanuel Daoud. Les innombrables procédures vont reprendre. C'était notre dernier espoir. On finit par perdre le goût de la vie. Aujourd'hui, je fais un acte de résistance pour être entendu en tant que personne à part entière. Il y a Kamel, mais nous aussi, on existe et on souffre, explose Sandra, qui vit avec leurs 3 petits à 2 heures de route et épuisée de faire le trajet tous les week-ends. Je ne supporte plus cet isolement. A-t-on le droit, mère et enfant, De retrouver une vie normale? Personne n'imagine tout ce qu'il s'est passé en 15 ans. Les dénonciations des voisins déchaînés par la presse locale, les regards accusateurs et les surnoms dans la cour d'école, les manifestations sous leurs fenêtres. C'est plus facile de s'en prendre à moi, la femme de, appuie-t-elle. Ils ont pris l'habitude de comparer l'assignation de Kamel Daoudi à une prison à ciel ouvert, dont le périmètre est celui de la commune choisie par les autorités, environ 29 km² pour Aurillac, le 7e et actuel point de chute en 15 ans. Pointage 2 fois par jour, parfois plus. En 2016, en période d'état d'urgence, un couvre-feu de 21h à 7h a été ajouté sans jamais être levé depuis. Il n'y a pas vraiment d'explication donnée à ces changements qui reposent sur un motif général de prétendue dangerosité. Les obligations sont souvent renforcées selon l'actualité. Alerte attentat ou recrudescence des risques terroristes, sans justification le concernant personnellement, défend Maître Daoud. Alors que son client cuisinait dans un café associatif en 2020, ses 25 minutes de retard à l'heure de pointage lui ont valu 4 mois de prison. Avant le Cantal, il y avait eu la Charente-Maritime et, encore avant, le Tarn, où Sandra avait obtenu sa mutation pour enseigner dans une classe spécialisée. Le couple avait acheté une ferme à retaper, celle où vit encore l'institutrice. Les enfants ont une forme de stabilité grâce à ça. On ne peut pas revendre la maison dans cet état et je peux être envoyée ailleurs à tout moment, explique à son tour Kamel Daoudi, interdit de travailler. Contacté par Libération au sujet de ces conditions qui pèsent sur toute la famille, le ministère de l'Intérieur n'a pas répondu. La femme et les enfants sont des victimes collatérales. L'acharnement de l'État à maintenir ses restrictions, alors que la peine de prison a été purgée, a de lourdes conséquences sur l'entourage. Ce genre de mesures administratives devraient être mieux encadrées, car aujourd'hui, la loi française permet des abus manifestes, estime Nicolas Krameyer, ancien responsable du programme Liberté au sein de Amnesty France, qui a participé à une enquête sur les dérives de la lutte contre le terrorisme en 2019, et dont un chapitre est consacré au cas Daoudi. Le document liste une dizaine de recommandations, comme ne pas imposer de mesures de contrôle administratif sur la base d'informations secrètes, les notes blanches dont on parlait tout à l'heure, ou évaluer l'impact discriminatoire potentiel des mesures de contrôle administratif adoptées dans le cadre de l'antiterrorisme et rendre cette évaluation publique. À l'étage, les 3 enfants jouent à déchiffrer des énigmes. Un jour, celui de 9 ans a dit à son père qu'il deviendrait policier pour être présent pendant les transfèrements. Il s'était ensuite mis à collectionner les clés. En voiture, l'ado s'enquiert toujours de savoir s'il roule dans la zone autorisée et si l'heure de pointage n'est pas dépassée. La fratrie rêve de manger des glaces sur la plage. Ils ne sont jamais partis en vacances. Le soir, Sandra écoute le bruit des vagues sur son téléphone pour trouver le sommeil. C'est la fin de l'article de Lisa Douard qui est paru ce 21 septembre 2023 dans Libération. Ajout de dernière minute à la lecture de cette lettre de Sandra et de l'article paru dans Libération ce jour. À l'instant, enfin, il y a 40 minutes, Kamel Daoudi a publié sur Twitter un tweet d'information qui dit « Cette nuit à minuit, Sandra, ma femme, a senti de grands vertiges et avait du mal à respirer et voyait de longs flashs de couleurs lorsqu'elle fermait les yeux. J'ai appelé le SAMU. Le médecin lui a indiqué qu'elle faisait une hypoglycémie et qu'elle devait boire de l'eau sucrée. Elle a décidé de mettre fin à sa grève de la faim et de la soif qui dure depuis 3 jours et 14 heures. Il termine avec le hashtag « Faites du bruit pour Sandra ». Et effectivement, il va falloir continuer à faire du bruit pour Sandra et pour Kamel Daoudi et pour leurs enfants, afin que cesse cette situation de torture par rapport à leur vie familiale et qu'ils puissent, à minima, avoir une vie ensemble. Voilà. J'espère qu'il va y avoir des solutions assez rapidement, que certaines aberrations vont être levées au plus vite. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est donc la fin de cette lecture et j'imagine qu'il va falloir continuer à relayer les informations de Kamel Daoudi, ainsi que la LDH qui fait un long travail de suivi et de soutien pour que cette situation change. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde pour réclamer une modification de son assignation à perpétuité, en fait. Au revoir et à bientôt pour d'autres lectures. Bonjour, je suis Sandra, la femme de Kamel Daoudi. J'ai arrêté cette nuit ma grève de la faim et de la soif. Parce que vraiment, je sentais que mon état se dégradait de plus en plus. Beaucoup de nausées, une sensation d'étouffement et surtout, lorsque je fermais les yeux, je voyais des couleurs très vives. Je remercie tous ces soutiens qui ont été présents et qui m'ont aidé à tenir aussi longtemps. Le combat continue encore. C'est une première manche, si je puis dire. Et je vous donnerai des suites de l'évolution de la situation de toute une famille qui est en souffrance.